Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui les glandeurs nature. Salut les gars, comment ça va? Bonjour Sofiane. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir dans le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très gentil à toi, merci. C'est un plaisir pour nous. Ah ben, le plaisir est partagé. Et justement, avec toutes vos années de scène et d'expérience, de bouteilles, comme on dit, vous devez avoir des anecdotes magnifiques. Donc, c'est pour ça que, justement, je me languissais d'écouter vos histoires. Alors, on en a quelques-unes. On en a préparé une ou deux. Et c'est vrai qu'en termes d'années de scène, ça va faire... écoute, on va rentrer dans notre 20e année, si je ne me trompe pas, parce que le duo... tel qu'il est là, il a été formé en fin 2001, il me semble que c'est en novembre 2001. Si c'est... Je demande l'appui de Franck, mon collègue. Est-ce que tu peux confirmer, Franck ? Eh bien, je te confirme, oui, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Waouh, ouais, ouais. Bah, joyeux voilà. Anniversaire à vous, hein, bientôt 20 ans, une année vraiment charnière, quoi, 20 ans de scène. Oui, alors, je vous ai appelé directement par votre nom de scène, donc les glandeurs nature, mais bien évidemment, vous êtes deux. Et donc, on a le personnage de Néné et le personnage de Bichoco. Et je suis vraiment, du coup, ravi de pouvoir écouter vos anecdotes. Donc oui, avec 20 ans de carrière, quelle est l'anecdote ou quelles sont les anecdotes auxquelles vous avez pensé? Alors, on avait un contrat. On avait un contrat pour jouer à Tarbes. Et nous, quand on a monté dans la bagnole, on est parti à Castres. Voilà. Et donc, c'est la chute. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on a su qu'on était au mauvais endroit qu'une fois arrivé sur place. C'est ça qui est marrant. Il y a 360 km entre les deux. Et donc, arrivé à Castres, on dit, bon, ben attends, normalement, la salle se trouve à côté d'un supermarché. Je ne sais plus quelle marque, là. Bon, en tout cas, à côté d'un supermarché. Et on ne trouvait pas. On se dit, ça, c'est pas normal. Le mec, il nous dit, vous arrivez devant le supermarché, sur le parking, et je viendrai vous chercher. On attend et tout, on galère, et puis au bout d'un moment quand même, assez rapide, au bout d'un petit, une petite dizaine de minutes, on voit arriver personne, et je dis à Franck, tiens, passe-moi la pochette dans laquelle il y a l'adresse de l'endroit où on doit jouer, et puis il regarde, il me dit, ah, excuse-moi, c'est pas Castres, c'est Tarbes, il faut savoir qu'il y a 360 km entre les deux. Et donc, on a fait le trajet de Castres à Tarbes. Il faut savoir qu'on est arrivé tout juste pile poil pour faire la régie et pour jouer. Donc, on a sauvé les meubles. Mais dans la voiture entre Tarbes et Castres, il n'y avait pas un seul mot. Pas un mot. L'anecdote est magique, franchement. J'avais jamais entendu. J'avais déjà eu des gens genre, qui se sont trompés de salle dans la même ville. Ça, oui, ça, j'ai déjà entendu ça dans le podcast, soit dans les conversations, dans les loges. Mais alors, par contre... alors, j'avais déjà eu Michael Biesch qui s'était trompé de mariage. Il était parti pour animer le mauvais mariage. Donc, finalement, il n'a pas animé du tout. Il a juste pris les dragées et il est parti au final hein, parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Quoi. Et alors là, une erreur de 360 km. Et encore, ça va parce que ça a été gérable hein, de rattraper. Parce que si ça avait été à l'autre bout de la France, c'était vraiment compliqué. Quoi. Là, c'était terrible. Et en fait, si tu veux... C'est le fait de se tromper de ville, nous aussi, c'est la première fois que ça nous arrive. Hein. C'est la seule et unique. Hein. Mais on avait entendu aussi des trompages par rapport aux salles, mais dans la même ville. Mais tromper de ville, c'est carrément... Bon, voilà. Et en fait, on a fait même mieux que ça. Là, on va te le raconter. C'est, je ne sais pas si tu connais le festival de les Andenneries, la chapelle d'Andenne, Serge oui. Bretel, tu connais ce festival oui. Donc, on s'est lié d'amitié avec Serge Bretel et ça se passe... dans l'Orne, en Basse-Normandie, etc. Moi, comme j'habite à Chartres, on n'est pas très très loin de la Basse-Normandie, je suis à 200 bornes à tout casser. Et donc, le festival se passe bien, ils nous ont programmé plein de fois, on a fait aussi la présentation du festival, enfin, plein de les soirées pour les partenaires, enfin voilà, on se connaît très bien. Et un jour, il nous dit, tiens, parce que lui, il a un boulot aussi à côté de son activité de président de festival. Il a une activité, c'est qu'il vend des boulons. Du caoutchouc. Il vend du caoutchouc. Ça ne m'étonne pas de lui. Il vend du caoutchouc, Serge. Voilà. Et donc, il a un patron. Et son patron lui dit, écoute, j'aimerais bien, toi qui connais bien les comiques et tout, j'aimerais bien que tu nous fasses une soirée de présentation pour la boîte. Il lui dit, bah, t'inquiète pas, je vais te trouver. J'ai deux zigotos, là, tu vas voir, c'est bien. Voilà, il parle de nous. Et quand son patron a validé, il nous appelle et il nous dit, écoutez, vous allez venir jouer pour nous. Donc, Nous, il nous dit, vous allez venir jouer à Champs Rousses. On ne fait pas gaffe quand il dit Champs Rousses, tu vois. On ne fait pas attention à ça. Il nous dit, nous, on a l'habitude de venir chez lui. Il habite en Normandie, donc bon, ben, on valide la date et tout. Bon, voilà, on est OK. Il nous file un prix. On est content. Et là, il va te raconter la suite, Franck, parce qu'il a eu au téléphone. Alors, on doit jouer un samedi et le vendredi, Serge m'appelle et il me dit, bah, ça va les gars? Je dis, bah, impeccable, hein. Et puis il me dit, bah, c'est cool parce que moi, je suis à côté de Grenoble. Alors moi, je me dis, bah, merde, il n'est pas gonflé, lui. On joue chez lui en Normandie et lui, il est à Grenoble. Tu vois, donc je me dis, il est vraiment, il est pas chier, Serge. Du coup, bah, on ne fait pas attention, ça nous effleure pas le cerveau. On prévoit avec Mohamed moi, je quitte Paris, je le rejoins à Chartres, on mange un petit bout chez lui. Puis après, on y va gentiment en Normandie. Et à la gare Montparnasse, Serge Bretel m'appelle et il me dit, qu'est-ce que tu fous? Eh ben, je dis, bah, je suis à la gare et puis je vais rejoindre Mohamed. Et il me dit, mais parce que quoi, vous partez de Chartres? Ben, je dis, bah oui, c'est vachement plus près de Paris quand même. Il me dit, non, mais Champs-Rousses, c'est à côté de Grenoble. Donc, on a juste eu le temps. Mohamed est venu à Paris, il est venu le temps de me récupérer, puis on est arrivé pile poil juste à l'heure pour jouer pareil. Et donc, Et il faut savoir qu'on est arrivé, en fait, si tu veux, la problématique, c'est que moi, j'avais prévu un rôti et tout, parce que je me suis dit, c'est qu'à 200 bornes, Franck, il vient manger à midi, et puis on a tout le temps l'après-midi pour aller en Normandie. Et en fait, heureusement qu'il m'a appelé de la gare à 8 h du mat, parce que du coup, je me suis speedé en bagnole, je l'ai attrapé au passage sur le périph, sur une porte d'Orléans, et puis de là, on a filé à Grenoble, mais on ne s'est pas rendu compte que non seulement Champs-Rousses était à côté de Grenoble, mais au-dessus de Grenoble, à 1800 mètres. Et donc, on était habillés avec des petits mocassins, des petites vestes d'été, tranquilles. Et on est arrivé à 1800 mètres tout enneigé, avec des petits mocassins. Tout le monde s'est foutu de notre gueule. On est arrivé un quart d'heure avant l'heure où on devait jouer. Heureusement, il y avait un régisseur qui était du tonnerre. En 10 minutes, il a capté la régie. On a posé notre matériel, on a joué direct. Et c'est pas tout, c'est que les mecs, ils nous avaient demandé, est-ce que vous dormirez sur place? Ben, j'ai dit, ben non, nous, on est Normandie. Moi, je me suis dit, on rentre de suite et on dort chez moi. Après le spectacle, on fait la fête un petit peu, 1 heure, 2 heures du mat, et puis on prend la route, on aime bien rouler de nuit. Du coup, eux, ils n'ont pas prévu de chambre d'hôtel. Ils se sont dit, bah, ben, c'est des malades mentaux, ils veulent rentrer de nuit, qu'est-ce que tu veux faire? Et on a dormi dans des sortes de placards. Dans des lits superposés pour les bagages, tu sais, les trucs de bagages. On a dormi là. Oh mais c'est génial, c'est incroyable. Comme quoi, il y a vraiment un souci au niveau des villes, hein. On a un Ouais. souci au niveau des villes, c'est un problème, ça. On confond, Et on ça, en fait vraiment. c'est parce que voilà, vous jouez trop, vous jouez depuis tellement longtemps, vous jouez trop. Donc pour vous, Champs-Rousses, c'est à côté de la Normandie, c'est pas un problème. Alors, hey, je fais le malin, mais je suis le premier à ne pas savoir où ça se trouve, hein. Donc, ah, mais je suis vraiment content parce que vous savez, moi je me sers de Google Maps quasiment tous les jours et je pense que c'est grâce à vous qu'ils l'ont inventé en fait. Je pense aussi. On avait avant l'invention avant qu'on se paie un GPS dans la bagnole, il faut savoir que on s'est trompé à peu près à chaque plan, pratiquement. On s'est trompé au moins une fois ou deux fois sur la route, parce qu'on a un copilote en la personne de Franck Mijon, alias Néné. Je peux te dire que là, on a du bon copilote. Hein. Attention, hein, c'est du très haut niveau. D'accord. Alors, je ne sais pas comment je l'aurais pris, Franck, mais apparemment, tu ne sais pas lire une carte. Bah, disons que j'ai fait des progrès, ça va de mieux en mieux maintenant. Ah, mais moi, vraiment, j'ai du respect à vie pour les gens qui savent lire une carte. Je critique là, mais je suis incapable de le faire. Moi, franchement, tu m'enlèves Google Maps, je crois que je joue dans mon salon maximum, tu vois. Je ne peux vraiment pas aller plus loin, quoi. Ah non, mais vraiment, vous avez eu ouais, de belles mésaventures géographiques, quoi. Mais c'est finalement, c'est drôle. Et alors, la question que je me pose, c'est est-ce que à Tarbes, autant qu'à Champs-Rousses, vous en avez parlé au public ou pas? On a été bien obligé de le dire, parce que là, les mecs qui nous ont reçus à Champs-Rousses, c'était quasiment tous les collègues du gars. Donc, non seulement on leur a parlé, mais ils s'en sont rendus compte, mais ils se sont foutus de notre gueule. On a mangé avec eux après le soir, et ils étaient, non, mais surtout le fait qu'on ne veuille pas dormir là, sur place et tout. Mais les mecs, ils se sont dit, mais c'est pas possible, d'où ils sortent? On s'est pris une honte. Mais le pire, c'est que la veille, chez le boucher en bas de chez moi, je rencontre mon voisin qui est représentant de commerce et qui voyage énormément. Et il me dit, ah, ça va, bon, ouais, tranquille. Alors, tu joues en ce moment? Je dis, bah, demain, on joue à Champs-Rousses. Il me dit, dans les Alpes? Je dis, non, non, en Normandie. Donc, que... même le mec a essayé de te mettre sur la piste, tu vois, de cette erreur géographique, mais tu t'es dit, bah non, c'est lui qui se trompe. Non, parce que j'étais persuadé que c'était la chapelle d'Andenne, les Andenneries, donc ça, c'est en Normandie. Point barre. Pour moi, c'était établi. Et j'ai eu une possibilité d'aller regarder dans une carte. Non, j'ai bien dormi, je suis allé me coucher, normal et tout, sans problème. Hein. Et j'ai acheté mon rôti parce que le lendemain, Franck devait venir manger à la maison. Moi, j'étais là-dessus, moi. Champs-Rousses, c'est en Normandie. Donc voilà. Pour nous, depuis, Champs-Rousses, ça se trouve en Normandie et non pas en Isère. Est-ce qu'en hommage à cette mésaventure, ils ont renommé un village du coin Champs-Rousses? Bah, ils devraient. Si c'est pas fait, ils devraient. D'accord. On embrasse les gens de... Les Normands. On embrasse les Normands de Champs-Rousses. Ouais. Et on embrasse aussi les Tarbais de Castres. Voilà. Ou les Castrais de Tarbes. Hein, Ça peut être aussi ça. Et le pire, c'est que je suis originaire de Tarbes. C'est ça qu'il faut savoir dans l'histoire. Ça, on a oublié de te le dire dans l'histoire. Je sais pas si pour les gens qui écouteront l'anecdote jusqu'au bout, c'est que moi je viens de Tarbes, j'ai grandi à Tarbes. C'est ça l'histoire. J'aurais dû réaliser, mais non, ça n'est pas arrivé au cerveau. C'est quand même énorme. Après, c'est pas ta faute. Hein. Pour ta défense, t'avais pas croisé le mec chez le boucher pour qu'il te dise Castres, genre Castres ou Tarbes, tu vois. T'as pas pu être mis sur la voie cette fois-ci, donc voilà. Mais franchement, respect les gars, c'est vraiment des anecdotes en or, quoi, parce que c'est incroyable. Parce que autant se tromper, jouer dans un endroit et en fait tu t'es trompé, c'était à l'autre bout de la ville. Ça peut arriver à tout le monde. Genre, enfin, pas jouer, mais genre te rendre dans un endroit et c'est pas le bon endroit, ça peut arriver à tout le monde. Mais alors vous, autant l'anecdote de Tarbes, elle m'a fait rire parce que je me suis dit 360 km, c'est énorme. Mais alors, combien il y a entre Chartres et Champs-Rousses, vraiment? Alors, entre Chartres et Champs-Rousses, on a fait le calcul, on est à plus de 700 km. Et lorsque je suis allé chercher Franck à Paris pour qu'on aille à Champs-Rousses, on était tellement speedé qu'on n'a rien prévu. On s'arrête dans un café, je te jure que c'est vrai. Ouais. On rentre dans le café, un café qu'on ne connaît pas. Une dame nous sert un café. Et puis, je vais pour payer, je lui dis, t'as des sous? Il me dit non. Et toi? Eh ben non plus. Et la nana a assisté à ça. Aucun de nous n'avait de l'argent. Elle m'a dit, écoutez, vous m'avez fait rire, je vous offre les cafés. C'est authentique. Et on lui a dédicacé un DVD du spectacle. Oh, c'est sympa, c'est sympa. Mais c'est quand même dingue. Hein. Après, j'avoue qu'aujourd'hui, si jamais ça arrivait aujourd'hui, peut-être que vous pourriez faire le spectacle en visio depuis votre garde à vue. Et tu sais, il faut aussi savoir qu'en 2013, il y a Isabelle Farcy qui nous appelle pour faire Avignon, parce qu'il restait un créneau à l'époque au Cinévox, tu sais, sur la place de l'horloge. Mais dans le même temps, elle s'était arrangée avec... avec la nana à qui elle a vendu le théâtre de la Fontaine d'Argent à Aix. Elle s'était arrangée pour que nous, on joue là-bas à 21h, tout le mois de juillet. Et pendant ce temps-là, Isabelle, qui venait de vendre le café-théâtre, la Fontaine d'Argent à Aix, à cette nana, elle s'était arrangée entre elles, ce qui fait qu'on a été programmé pendant tout le même mois de juillet 2013. On était programmé à 13h30, 13h45 à Avignon et à 21h à Aix-en-Provence. Ce qui nous a contraints, et pour notre bien d'ailleurs, mais on était lessivés, à faire pendant tout le mois une représentation à Avignon à 13h45 et le même jour à Aix-en-Provence à 21h. On logeait à Aix-en-Provence et on a fait, il y a 80 km entre les deux, et on a fait 160 km aller-retour par jour pendant un mois, et on a joué deux fois le même spectacle avec tout le matériel et les costumes en double, et ça c'était en 2013. Mais c'était un bon souvenir, très fatigant, mais un super souvenir parce qu'on a joué 50 fois dans le mois, et ça, ça a été aussi, c'est né d'une galère. Ça a commencé comme une galère et ça a fini comme un truc super bien parce qu'on a fait deux recettes en fait et on a logé à Aix. Enfin, c'était magnifique. Bah, ah oui, totalement. Il y a des galères qui se terminent comme ça en positif. Mais est-ce que c'était un spectacle que vous vouliez genre vraiment peaufiner, perfectionner, roder, ou est-ce que c'était déjà quelque chose de rodé depuis longtemps? C'était un spectacle qui était tout jeune. On avait dû le jouer une trentaine ou quarantaine de fois avant Avignon, et c'est vrai que là, le fait de lui avoir donné 50 représentations en un mois, Ben, il a évolué, il a grandi, et nous aussi, on a su jouer la partition vachement mieux à la fin du festival. Ah, génial, génial. Et l'avantage aussi, c'est que le soir, on était tellement rincés de fatigue qu'en fait, on attaquait sur scène, on avait zéro énergie pour avoir peur, ni pour avoir du trac, ni pour être nerveux. En fait, on était tout mou, et en fait, toute l'énergie qui nous restait servait pour le spectacle, et on jouait détendu. Et en fait, je trouve que pour les comédiens, c'est quand même une grande vertu de pouvoir jouer détendu. D'accord, d'accord. Le message est clair. Hein. Tous les humoristes qui jouent à Avignon, vous devez vous caler des dates aussi à la Fontaine d'Argent en même temps. Et... voilà, voilà. Et à Tarbes. À Tarbes. Ah, ah oui, oui. Et à Tarbes et à Champs-Rousses, évidemment. Ah, c'est vraiment génial. Ben, c'est, ça, c'est la marque des professionnels, je trouve. C'est ceux qui arrivent à transformer les erreurs ou les galères en trucs... pédagogique finalement et puis formateur. Donc c'est exactement ce que vous avez réussi à faire. Là je suis sûr que le premier réflexe que vous avez quand on vous demande de jouer quelque part, c'est de vérifier où c'est. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mais en 20 ans, et c'est vrai qu'en 20 ans de carrière, on n'a quand même jamais annulé. Jamais. Ça ne nous est jamais arrivé, jamais. Il nous est arrivé de jouer avec des béquilles, avec des attelles. Franck a joué comme un warrior une fois en Belgique. Il avait mangé des fruits de mer super dégueulasses. Il était supra malade. Il a joué, mais comme un héros, comme un super héros. Et on n'y voyait que du feu. Et il était malade à crever. Il avait de la fièvre, etc. On a joué dans des conditions. Moi, je m'étais flingué le dos. On a joué pour une caserne de pompiers, parce qu'on a joué un spectacle qui s'appelle Le Bal des pompiers. J'avais une ceinture, etc. Je venais de voir un kiné qui m'avait fait des picouses, etc. Et on a joué. Lui, il a joué avec une attelle parce qu'il s'était fait super mal au genou, etc. Mais on n'a jamais annulé une seule date en 20 ans de carrière. Et j'ai un souvenir aussi, on a joué aussi à Paris au gymnase. Et Mohamed avait pris des médicaments, s'il avait une douleur de dos. Il a pris trop de médicaments. Et après, il a bu du café. Et sur scène, il a eu un malaise. Et donc, en fait, on est sorti de scène. On est sorti de scène, il a mangé un sucre, il a bu un verre d'eau et on est reparti. Waouh, ah bah franchement, professionnel jusqu'au bout, hein. Sans déconner les gars, respect. Moi j'avais déjà du respect, j'ai eu la chance de voir votre spectacle, j'avais déjà du respect pour vous par rapport à votre art sur scène, mais là j'ai encore plus de respect pour vous sur les coulisses de votre carrière et vraiment bravo à vous. En tout cas j'ai une petite proposition si ça vous dit, c'est que là vous avez fait du coup 360 km pour Castres-Tarbes, 700 km pour Chartres. Champs-Rousses et j'ai envie de vous proposer un truc, c'est si jamais un jour on vous propose d'aller jouer à Montréal, je vous préviens dès maintenant en fait, il y a un Montréal dans le Gers. Donc, je dis une bêtise, je crois qu'il y a un Montréal, si je dis pas de bêtises, dans l'Aude, pas loin de Carcassonne. C'est en Dordogne. Ouais. Non, ah bah alors il doit y en avoir encore un autre à ce moment-là. Il y en a plein de Montréal, mais il y en a un en Dordogne aussi. Et donc les gars, voilà. Si vous voulez éclater votre corps de 700 km, faites-vous programmer au Canada et allez dans le Gers ou vers Carcassonne ou quoi, ou en Dordogne. Et voilà, là, vous allez augmenter le compteur kilométrique. Quoi. Vraiment, ça va être beau parce que je pense que vous êtes des performeurs et vous essayez d'aller toujours plus loin. Donc, bravo à vous. Et que ce soit au Canada ou en France, on aura toujours plaisir à venir vous voir sur scène. Et on a joué au Canada. À Montréal, on y a joué. C'était le bon. À Montréal, au Canada, pour le festival Juste pour rire, en 2005, je crois, ou en 2006, je ne sais plus. Ah, ben génial, c'est une belle consécration. Le festival Juste pour rire, c'est vraiment une des plus grandes références de l'humour dans le monde, quoi. C'est parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, les gars. Vraiment, c'était des pépites que vous m'avez servies, là. Et j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur scène très bientôt. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? C'est toujours Glandeur Nature. Sur le Glandeur Nature, tu trouveras tout. Sur du Facebook, du Twitter, du Instagram. Voilà, et une chaîne YouTube, on y pense en fait parce qu'on a envie de sortir des petites pastilles sur les pompiers notamment. Et nous l'a proposé, donc c'est à l'étude ça va pas tarder. Et donc un Avignon prévu, on pourra vous retrouver dès cet été à Avignon. Exactement, au théâtre Le Paris, sans problème. Le tout nouveau spectacle. Ah, et bien hâte de voir ça. Et merci beaucoup, donc je mettrai les liens vers tous les réseaux sociaux. Merci donc Franck alias Néné et Mohamed alias Bichoco. Vraiment, c'était un honneur de vous recevoir les gars. Merci pour votre gentillesse et merci pour ces pépites. Franchement, c'était génial.